Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier Blues Café de l'année 2007 en live et en public. Nous recevons ce soir des hommes des montagnes et ce sont des habitués du Blues Café live. Ces Yeti arrivent tels les rois mages avec de bien beaux présents, un nouvel album étonnant et détonnant et une nouvelle formule. Et oui Cédric, c'est un peu comme le miracle des petits pains. Notre duo s'est multiplié avec une section rythmique pour une formation de choc avec Matt à la guitare et au chant, Barfoutiano à l'harmonica, et nous avons Denis Barthes à la batterie et Olivier Mathios à la basse pour le nouveau Mountain Man. That way to me, from the brightest day till the darkest night of grey and all its glory is what my world is made of. People say I'm colorblind, but that's alright with me, cause a rainbow finds me a traveling light to where I'm bound that may be. No black, can they have no white? Through the eyes of this old dog, from the prettiest girl till the biggest mom, love can be as easy as falling off a log. People say I'm colorblind, but that's alright with me, cause a rainbow finds me traveling the light to wherever that may be. Est-ce que tu es vivant, le Blues Café? Ok, here we go. Mountain Man, nouvelle formule, sont ce soir nos invités dans le Blues Café Live. Merci. Merci. Soyez polis, allez-y. Nous, quand on dit merci, les gens répondent de rien. Merci. Oui. Un petit morceau de notre nouvel album qui s'appelle Still in the Race. Thank you. honey, don't you worry for me, for my dear, the whole day and night. It's not where we're headed, not the bringing me sadness, the whole that we had, and now living behind. Hold on to love, it's a lifetime you'll trace. Long past the fire burns, you're still in the race. See me crying, it's my love that I'm hiding. Or something like that, but all the way around I am lost, only needing direction. I'm just a walking with my feet on the ground. Hold on to love, it's a line flying your trace. Long as the fire burns, you're still in the rails. Hold on to your love like a saving grace. Keep your fire burning, stay in a race. Est-ce que tu es prêt à passer cette soirée avec nous? Non, est-ce que tu es prêt à passer cette soirée avec nous? Love, it's a lifeline your trace. Now, as the fire burns, you're still in the rails. Hold on to your love like a saving grace. Keep your fire burning, stay in the rails. Les Mountain Men sont avec nous ce soir dans le Blues Café. On va leur demander de venir nous rejoindre. Nous sommes ici en direct du Millennium de l'île d'Abo. C'est en Isère, pas très loin de Lyon. On rappelle que vous pouvez nous rejoindre également. L'entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles, parce que vous êtes nombreux ce soir. Eh ben, les Mountain Men, on aime surprendre, hein, d'ailleurs, parce que à peine on s'était habitué au dernier album, que vous revoilà cette fois-ci... À quatre. Alors, on imagine, Cédric et moi, que vous en avez marre d'être tous les deux. Un couple, c'est usant. D'ailleurs, on vous a mis qu'un seul micro pour deux. On espérait conserver un peu la solidarité et l'intimité de votre couple. J'allais répondre justement à Francis que c'est bien que vous imaginez, parce qu'avec la logique, on peut aller de point A à point B, mais avec de l'imagination, on peut aller n'importe où. Ouais. Je sens que c'est bien parti. Écoute, en tout cas, est-ce, ouais. est-ce que tu peux traduire Matt, s'il te plaît. Il est content d'être là. ouais, c'est un album à quatre et ça change. Et on avait envie de se. Il n'y a rien de pire dans la vie que la routine, en fait. Donc, on n'avait pas envie d'arriver au point où on serait. On a fait 500 ou 600 concerts avec Yann en 6 ans. Et on n'avait pas envie d'arriver au point où faire de la musique deviendrait de la routine. Donc, on voulait. On voulait mettre un peu de piment dans là-dedans et puis se faire plaisir, tout simplement, parce que c'est quand même le but du truc, c'est qu'on se fasse déjà plaisir à nous-mêmes. L'album s'appelle Black Market Flowers, et effectivement, c'est des nouveaux Mountain Men. Musicalement, c'est aussi assez nouveau. La formation est plus musclée, plus électrique. On sait que tu es assez fan, Matt, surtout Yano, je ne sais pas trop, mais de musique hard rock, de Metallica, par exemple, Motorhead, des groupes comme ça. Est-ce que, du coup, c'est une façon aussi pour toi d'explorer complètement à fond cette facette D'explorer à fond, je ne sais pas, parce que ça reste quand même Mountain Men. Ça reste notre musique, mais dans notre musique, même si avant, elle était à 90% acoustique, il y avait quand même les mêmes influences, et ces influences très rock. Et parce que oui, moi, personnellement, je viens du rock et je l'assume totalement, hein. même dans une émission de blues. Et, On est large d'esprit, tu sais. Oui, je sais. C'est un vrai plaisir et un vrai plaisir de prendre des risques et d'aller explorer des nouvelles choses. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que finalement, vous êtes passé à 4, mais sur l'album, on voit que vous deux. Bah, en fait, ça s'est passé. La pochette s'est fait. Enfin, c'est construite avant que l'on sache que Denis et Olivier viennent en concert avec nous. Et non, c'est pas une connerie. En fait, on a fait la. L'histoire s'est faite d'une certaine manière. On a commencé à bosser, on voulait bosser avec Denis à la production de l'album. Et puis ben, finalement, Denis devait juste réaliser le disque. Et puis au bout du compte, il a joué sur l'album. Et finalement, il y a Olivier qui était là. Et le prochain disque, il n'y aura que Denis sur la pochette. Bah, peut-être, avec Olivier, ça serait chouette. C'est assez marrant d'ailleurs la pochette, parce qu'on a l'impression que tu les attends. Ouais, mais on les regarde. Genre, ils arrivent de chaque côté. Ouais, c'est pour ça. La séance photo. Mais à la bourre, non, Denis, il n'arrive jamais à la bourre. Et. C'était un vrai choix et ça s'est fait comme ça en fait. Au début, on s'est dit bah Mountain Man reste comme ça. Finalement, ça serait maintenant. Je mettrais les quatre personnages. Alors on parle de Denis, on parle d'Olivier. On va quand même préciser un peu qui ils sont. Donc il y a avec vous à la batterie Denis Barthes, c'est un ancien de Noir Désir. Il y a des fans dans la salle et surtout. Et producteur artistique aussi réalisateur de l'album. Et puis il y a Olivier Mathios du groupe The Yen. Alors The Yen, il y avait aussi, il me semble, Denis Barthes. Il y a aussi Denis Barthes, bien sûr. Voilà, exactement. Ils sont là. Il y a d'autres musiciens aussi, hein, il me semble, sur l'album. Ben, finalement, ouais, il y a Hervé Toucourt qui est venu jouer du violon. Il y a Estelle Humeau du groupe Eiffel qui est venu jouer du clavier. Il y a aussi Jean-Paul Roy, l'ancien bassiste de Noir Désir, aussi avec nous. Donc on s'est bien amusé, hein, c'était chouette. On a l'impression qu'il y a une fusion là, de groupes, Noir Désir, de Yen, Eiffel autour de. Bah, en tout cas, c'est moi c'est ce que j'oserais appeler la vraie scène rock française. Tu sais que j'ai dû expliquer à Francis qui étaient tous ces groupes et tout pour préparer cette émission. Ça nous a mis du temps quand même. Hein. Absolument, oui. Moi j'en étais resté aux Stones, je suis désolé. Mais... Oh pardon. J'en étais resté aux Stones. Hein. Ah, je connais pas. Alors on continue aussi dans les musiciens. Mais j'ai pas compris les rencontres en fait, comment elles se sont faites. Bah, les rencontres, ça s'est fait assez naturellement. La rencontre avec moi, quand on a commencé à bosser, on voulait bosser avec Denis Barthes. La première rencontre s'est faite qu'on a bien mangé, on a bien bu déjà pour commencer. Et de là, on s'est dit waouh, voilà une vraie rencontre humaine. Et on a toujours fonctionné comme ça. Et on a rencontré deux personnes qui fonctionnent comme nous, qui fonctionnent vraiment à l'humain et au plaisir et à ce qu'on. Ce qu'on souhaite vivre et se faire vraiment passer un bon moment. Quoi. C'était vraiment une aventure fabuleuse, plein de choses à découvrir. Matt nous a montré qu'il, malgré le fait qu'il reste le chef, il est toujours ouvert à certaines idées, dès que ses idées correspondent avec les siennes. En fait, on est quatre, ce qu'on disait, c'est que Mountain Man reste, on travaille sous un régime démocratique. Avec un dictateur bénévole. Révocable à tout instant. Alors on va parler un peu des titres, notamment ce titre Still in the Race que vous avez joué juste à l'instant dans le Blues Café Live. Un morceau qui donne tout de suite le ton, un morceau quand même assez rock, avec quand même aussi un petit clin d'œil au blues. Et ce titre Still in the Race, c'est un petit clin d'œil, toujours dans la course, c'était pour montrer que les Mountain Men sont toujours vivants, bien vivants, plus que jamais. Oui, justement, Cédric, la traduction que moi je donnerais au titre, c'est reste vivant. Ça n'a rien à faire avec la course. La race, en anglais, c'est l'espèce. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se voit, tu me reprends sur mes traductions en anglais. Non, la dernière fois, il y avait eu Against the Wind. Voilà. Ça n'avait rien à voir avec la traduction, c'était prononciation pure désolé, et simple. Désolé, Yano, mais Cédric a séché pas mal les cours d'anglais quand il était plus jeune. Ah non, mais je lui en veux pas pour ça. Non, mais en fait, c'est justement c'est ça pour ceux qui ça pourrait intéresser. Des fois, il y a plus que nous qui s'écoutent. Pardon. Et Still in the Race, c'est pour dire reste vivant. Donc, et oui, c'est assez rock parce que c'est Matt qui a fait la musique. Si ça avait été moi, ça aurait été folk pop, tu vois. Il y a un autre titre, Dog Eye, hein, si je note bien. Dog Eye, dont un critique a dit qu'il ressemblait à du Black Keys des débuts. Une réaction sur ce titre bah peut-être, ça ressemble un peu au Black Keys, je sais pas. On a toujours, moi j'aime bien ces trucs un peu groovy, un peu rentre-dedans quand même. je pense que quand j'ai écrit ce truc-là, j'étais un peu dans ma période R.L. Burnside, tu sais, avec des trucs très, très boogie, très, des trucs un peu hypnotiques. Et après, on l'a mixé un peu avec notre musique et avec ouais, nos influences respectives. Ouais. Ce qui est toujours étonnant quand on écoute un album des Mountain Men, c'est la difficulté qu'on a à mettre ça dans une case, en fait, parce que vous passez de titres extrêmement rock. On a des fois quelques petites influences de rock celtique aussi, notamment dans Wish Yourself Away. On a des morceaux qui sont, et là, on revient sur aussi une autre de vos influences, Jacques Brel, la chanson française, des morceaux très chanson française, comme Passe dans cette vallée, ou Et puis le son. C'est, à chaque fois, on sent que vous essayez de montrer vraiment toutes les facettes de votre personnalité. Il y a pas on, vraiment essaie, une... on essaye de rien montrer, on essaye de faire la musique qui nous plaît. On essaye de faire la musique que l'on aime et ce qui nous vient. Il n'y a aucune envie de vouloir montrer et s'exposer à tout ce qu'on... Tout ce qu'on aime ou tout ce qu'on pourrait faire, l'idée c'est de faire vraiment la musique qui nous plaît et qui nous tient à cœur. On n'est pas un groupe qui écrivons 50 chansons puis qui en piochons 10 à la fin pour faire un album. Tout ce qu'on écrit, on le met sur un disque et ça correspond à des moments de nos vies en fait, tout simplement. Oui, ceci dit, c'était peut-être la première fois que nous avons eu plus de titres que nécessaire pour faire l'album. Il y avait quelques titres qui n'était pas vraiment adapté, un petit peu hors contexte, mais qui existe toujours quand même. Donc, qu'on aura peut-être dans la version deluxe maintenant, puisque c'est la mode, avec les morceaux que vous n'auriez pas mis sur le premier. Non. En tout cas, d'être à quatre renforce quand même ce côté, cette hétérogénéité des morceaux. C'est vrai qu'on passe vraiment... c'est plus flagrant qu'avant, quoi. Quand vous étiez deux, où il y avait des titres rock, là, c'est rock, c'est très rock. Et quand vous êtes en mode chanson, si on faisait chanson. On s'est dit, si on faisait un truc rock, autant faire un truc rock jusqu'au bout, quoi. Autant de faire le truc vraiment en plein en disant on fait un album qui est un peu rentre-dedans, bah faisons un truc rentre-dedans. Mais justement, pas si rentre-dedans pour ces deux titres dont on parlait, Cédric parlait de ces deux morceaux en français, et curieusement c'est sur ces deux titres qu'on sent une émotion particulière, peut-être même de la poésie. Est-ce que c'est le fait de chanter en français? Peut-être. Bonne peut-être, question, je vous remercie de l'avoir posée. Non, merci, c'est une très bonne question Francis, je te remercie de me l'avoir posée. La chanson française, ça fait partie aussi de ma culture et justement du rock français. Il y a eu un album hommage à Brassens, ouais. Et donc, alors loin de moi l'idée de penser que je fais de la poésie comme Brassens. En tout cas, c'est un texte qui, les deux textes que j'ai écrits en français sont plutôt, en tout cas, fidèles à ce que j'aime et ce que je voulais entendre. En tout cas, et c'est un vrai plaisir de chanter en français. Moi, je depuis un l'album précédent, j'avais écrit un peu en français. Et c'est vrai que il y avait un petit peu de. Comment dire. Quand tu chantes dans ton pays, dans ta langue natale, il y a un petit peu. Tu t'exposes vachement plus, quelque part. L'anglais, je me cache un petit peu derrière. Mais bon, même si beaucoup de gens comprennent, mais le fait de chanter en français, il y a un truc qui est plus intime, forcément. Donc peut-être c'est ça qu'on ressent. Ouais. Passe dans cette vallée où tous les cœurs sont vides. Je ne crois pas que ce soit fait pour des gens comme nous. J'ai juste le souvenir pincé de tes seins de cariatide. Ma tête posée dans cette vallée où juste ton cœur en dessous. Et de l'orage au dehors, de la colère qui me hante, des histoires de vie et de mort, du son de ta voix excitante, ces trois petites gouttes de pluie posées sur le bord de tes lèvres. Du bout des doigts, je les essuie. J'admire ce travail d'orfèvre lentement. Je te renverse, attrape la pointe de tes hanches. Je ne crois pas que ce soit bon pour des gens comme nous. Au fil de mes pensées diverses, j'attends d'avoir carte blanche. J'attends d'avoir eu la passion, le vertige, que ce soit nous. Et cet orage au dehors, de la colère qui me hante, des histoires de vie et de mort, du son de ta voix lancinante, ces trois petites gouttes de pluie qui glissent au creux de ton épaule. Du bout des doigts, tu les choisis avant que ma peau ne te frôle. fin sont l'étincelle d'un coup de ciseau. Je découpe, je ne crois pas que ce soit bien pour des gens comme nous. Ces derniers morceaux de dentelle joliment posés sur ta croupe, tu caches le reste avec tes mains. Tu es l'agneau, je suis le loup. Toujours cet orage en dehors, et puis cette colère à la con. L'envie de te serrer encore, l'envie de t'écrire une chanson. Ces trois petites gouttes de pluie, tout près de ton monde Vénus. Du bout des doigts, je les poursuis sans aucune sorte de consensus. Alors au final, je te prends comme tu m'as prise avec tes yeux. Je crois que finalement je suis une personne comme toi. Je ne suis rien qu'un prétendant devant ton corps si malicieux. De ta peau au goût de fruits, de ce tout petit je ne sais quoi. Et cet orage s'arrête enfin, ainsi que ma colère en détente. Mes histoires sont robes de dédain. Je garde ta voix obsédante. Ces trois petites gouttes de pluie pour moi sont devenues des larmes. Du bout des doigts tu les essuies. Tes yeux sont devenus mes armes. My loving, or can my money fear your every desire? I leave you with a thrill. Once I had a woman, she only wanted more. Love that I couldn't give her, I had to let her go. You don't impress me, no point to trying. You don't impress me now. I'm no left the one to think you are. You don't impress me now. Say how to do the money in my bank, the clothes I wear to make me what I am. Don't you make me angry, it could destroy your health. Nothing quite so dangerous, the power of my will. You don't impress me, no point of trying. You don't impress me now. I'm no left, no one to think you are. You don't impress me now. Nothing. 9-0-9. Nothing, 0-9. Nothing, 0-9. Nothing, 0-9. Nous sommes en direct du Millennium de l'île d'Abo avec ce soir les Mountain Men qui sortent ce nouvel album Black Market Flowers. Et autour de cette table, on retrouve Matt des Mountain Men et on retrouve également monsieur Denis Barthes qui nous a rejoint. Bonsoir Denis. Bonsoir. Très heureux de t'accueillir dans le Blues Café. Merci parce que je crois que tu as fait de la route pour venir ici. Ouais, je fais pas mal de route, mais je regrette pas. Bon. C'est un bel endroit. Alors, on est dans un endroit chaud et ça fait plaisir. De l'eau. Pourquoi de l'eau? De la bière. Pas de l'eau, bon sang. J'en ai bu l'année dernière, de l'eau. Denis, tu produis ce nouvel album artistiquement, bien entendu. Oui. L'album a été fait dans ton studio, je crois, c'est ça? Oui, ouais, voilà. C'est vrai. Comment s'est fait cette rencontre? Matt disait tout à l'heure qu'il voulait faire cet album avec toi. Ouais, comment écoute, ça s'est fait la rencontre c'est avec très lui? Simple, comme il le disait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que j'ai été contacté par la production des Mountain Men. Et Mike m'a dit, écoute, les Mountain Men voudraient bien que tu réalises leur prochain album. J'ai dit, ça tombe bien, je ne sais pas qui c'est. Et c'était vrai, j'en avais jamais entendu parler. Donc du coup, j'ai dit, écoute, envoie-moi un peu de son. Il m'a envoyé du son. Et là, j'ai dit, waouh, c'est bien, ça chante, ça joue, il y a quelque chose. Donc je suis allé voir, avec les technologies nouvelles sur Internet, quelques petites vidéos. Je me suis cyber-démocratisé. Et du coup, j'ai découvert un petit peu comment ils se comportaient sur scène, comment, enfin, le rapport qu'ils avaient avec les gens. Et là, j'ai rappelé Mike et je lui ai dit « Ça m'intéresse, c'est deux punks qui font du blues, donc ça m'intéresse. » Voilà. Ouais, c'est vrai qu'à première vue, donc toi, tu as officié pendant longtemps dans le groupe Noir Désir. Tu oui. as également le groupe The Yen que tu as monté, je crois. Oui. Ça peut paraître un peu loin de ton univers musical, les Mountain Men. Ben, pas si loin que ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que comme l'a dit Matt, en fait, ben, il vient du rock et ça se sent, il y a des influences qui se sentent. Quand je l'ai rencontré... au bout d'une demi-heure, j'avais l'impression que je connaissais depuis 15 ans. On parlait des mêmes choses. Voilà, on avait des idées communes sur pas mal de choses, à commencer par le vin. Et voilà, qui est une grande influence dans la musique. C'est ce qu'on appelle l'aide à la création. Et voilà, donc du coup, oui, c'est pas une rencontre si incongrue que ça. Et puis surtout, voilà, moi, ce que j'avais découvert, enfin, ce que j'avais cru entendre dans leur musique, c'était de la générosité. C'était une chose, voilà, où ils donnaient beaucoup. Et quand j'ai découvert les images, j'ai vu qu'ils donnaient et que les gens recevaient beaucoup. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est si éloigné de la conception que j'ai de la musique non plus. Voilà. L'aide à la création, je crois que c'était la SACEM, en fait, c'est le vin. C'est les vignerons qui, oui, bah qui voilà. permettent à la culture française de continuer mais de vivre. Oui, mais oui. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire des trucs intéressants en buvant de l'eau? C'est vrai, ça n'aide pas. Matt en bois. Et c'est filmé en plus, on va pouvoir vérifier. Oui, mais attends, il a pas rechanté encore. Après. Comment, alors du coup, ce qui est étonnant, c'est vrai qu'on l'a un peu vécu, nous, parce qu'on les connaît bien, Matt et Yano, depuis pas mal de temps. Donc on a été assez vite dans la confidence que tu produisais cet album. Et puis petit à petit, on t'a vu finalement être plus qu'un producteur d'album. Petit à petit, tu es devenu musicien. Est-ce que, comment ça s'est fait tout ça? On a l'impression que ça s'est fait finalement, que tu t'es retrouvé un peu embringué par, dans cette aventure. C'était pas oui. voilà, forcément quelque chose qui était oui, dit oui. au départ. Il y a, on va dire, aussi une force de persuasion qui émane de ces deux garçons, ouais. qui est assez... la grosse bête que vous avez entendue, c'est quelqu'un qui a retrouvé le son de son micro. Et ça marche, Francis. C'est bon, monsieur, la grosse bête. Non, oui, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai demandé... D'abord, je voulais convaincre Matt que c'était pas une bonne idée de passer à quatre, comme quand j'ai fait la réelle, enfin quand je devais faire la réelle de l'album, et quand j'ai entendu les maquettes, les embryons de morceaux, j'ai dit effectivement c'est des morceaux qui peuvent se jouer à quatre et ça peut être intéressant à quatre. Après, il m'a dit écoute, une phrase qui m'a décidé, il m'a dit ça fait 10 ans que je joue assis, j'aimerais me lever. Je lui dis bon c'est bien, tu vas te lever. Et puis après la question qui est venue à la suite, je lui dis mais est-ce que t'as quelqu'un qui ferait les basses batteries en studio? Et sa réponse a été, mais est-ce que toi, tu ne ferais pas les batteries? Et je lui ai dit, mais moi, ça me plairait, mais être à la fois à la console et derrière la batterie, c'est difficile. J'ai dit, mais je vais réfléchir. Et en fait, en écoutant les morceaux, en travaillant sur les morceaux, je me suis dit, c'est trop bien, je le fais. Je le fais, et puis le batteur qui va venir jouer, je vais le faire chier autant que je m'en fasse chez moi tout seul. Quoi. Un truc, voilà. Je vais être dur avec lui autant que je sois dur avec moi. Voilà. Tout à l'heure, Matt disait qu'en fait, ce n'était pas vraiment un 4, c'était 2x2. Oui. Alors, que c'est 4 là. Moi, je pense maintenant que c'est 4. Oui, c'est un peu la question que je voulais te demander. Bah, parce ouais, que... mais enfin, maintenant qu'on a dit que c'était 2 couples, tu dis que c'est 4. C'est une expérience échangiste, en fait. Oui, ça ne nous regarde donc plus. Si, on a des photos, mais. On les a vues. Ah merde. Non. On t'a dit qu'on les connaissait bien. Ça veut dire que cette expérience, maintenant, il va y avoir une fusion à 4. Est-ce qu'elle va perdurer au-delà de cet album, au-delà de la tournée qui suit nécessairement la sortie d'un album? Ou est-ce que c'est un one-shot? On n'en sait rien. Moi, j'ai toujours tendance à penser que ce que je ferai demain matin, j'y penserai demain matin. Et là, pour le moment, les choses se passent naturellement, ça se passe bien. On a l'impression, comme je te disais, qu'on se connaît depuis longtemps. Il y a une entente sur scène voilà, qui est naturelle, comme ça. Et après, penser à la suite, alors qu'on n'en est qu'au début, ça sera ambitieux. Mais vous êtes ambitieux, messieurs, de toute façon. Donc, tu es venu un petit peu naïvement, tu n'as pas prévenu qu'ils étaient épouvantables? On s'en aperçoit au fur et à mesure. Denis Barthes, mesdames, messieurs, merci en tout cas d'être venu. Et tiens, une petite question, est-ce que, parce qu'on est quand même dans une émission de blues, est-ce que c'est une musique qui, toi, te parle? Est-ce que tu as des références dans le blues? Est-ce qu'eux ont essayé aussi de te faire un peu découvrir cet univers-là? Ah, écoute, moi, de toute façon, Nous, on vient essentiellement avec Olivier, tout ça, on vient du rock, du punk rock, mais tout ça, les racines, c'est le blues. Pour moi, un des plus grands blues, un des plus gros de blues de la planète, c'est AC/DC. Mmh. Pour moi, AC/DC, c'est du blues. Mmh. Et après, bien sûr, qu'on est fan de Johnny Cash, qu'on est fan de choses un petit peu plus confidentielles. Mais disons que quand j'ai un petit peu de temps, que j'ai personne autour de moi, que je peux m'asseoir pour écouter un disque, souvent j'écoute du blues. Voilà, comme quand je fais autre chose ou quand je vais trop vite ou quand machin, là j'écoute du rock, mais quand j'ai le temps de m'asseoir et de fermer les yeux, j'écoute du blues. Très bien. Moi quand je fais le ménage, j'écoute les Mountain Men et ça marche bien aussi. Ça permet d'aller un peu plus vite. Et ça doit être le bordel chez toi. C'est le boxon. Allez, on va retrouver les Mountain Men sur scène juste avant. Petite pause musicale avec Francesco Piu, vous l'aviez vu lors d'une de nos blues parties. Il sort un nouvel album absolument extraordinaire qui s'appelle Hold On. You gotta hold on, my friend. You gotta hold on, my friend. Just keep going on and never feel alone. You gotta hold on, my friend. You gotta hold on, my friend. You gotta hold on, my friend. Just keep going on, never feel alone. You gotta hold on, my friend. You nous retrouvons Mountain Man, donc en formation complète à 4 sur la scène du Blues Café. Thank you. shines. She shines. She shines. She shines. She shines. Les Mountain Men dans le Blues Café Live. We're talking with a friend this morning, but told me something which warmed my heart. I told my friend, here's another reason, another reason why I'm not about to let you go, let you go, let you go, let you go, let you go. I'm not about to let you go. I got a woman in 10th hallway. Is it just too get? Love you now, but I'm told my woman, we don't keep it rolling, keep it rolling. I'm not about to let you go, let you go, let you go, let you go. Let you go. But this old life, it gets to me. Feel like I'm falling with a dirty, heavy load. Don't fall into flying. To let you go, let you go, let you go, let you go, let you go. I'm not about to let you go, let you go, let you go. Let you go. I'm not about to let you go. Let you go. Let you go. I'm not about to let you go. Let you go. Let you go. Let you go. I'm not about to let you go. Let you go. Let you go. Let you go. Let you go. I'm not about to let you go. to let you go. Scène Blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Nos invités de ce soir, c'était les Mountain Men. On remercie aussi TNBO Organisation pour la captation filmée. Merci au studio Magneto qui est à la réalisation de l'émission et à toute l'équipe technique du Millennium ici. On se donne rendez-vous dans un mois. L'entrée est libre et gratuite. N'hésitez pas à aller consulter nos dates sur le www.bluesactu.com. Merci à tous. On laisse la scène aux Mountain Men pour un dernier titre. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Dates et renseignements sur bluesactu.com et sur jazzradio.fr. Got no hammer for breaking rocks. No chain holding me, but I got a things to do in places I got to be. Keep on dreaming, see that a shining light coming at me, coming at you. Snap on out, get back to work, go for that dream which will be sound. But in days and no slave, no chance that you can say. Deep in time, in fall, turn on your TV. I'll buy some beer, I'll buy some sex, buy some pills, some peace of mind. Get ready for the future before you run out of time. Keep on dreaming, see that a shining light coming at me, coming at you. Snap on out, get back to work, go for that dream which we've been sold. Modern days and no slave, no chain that you can see. Deep in time, it falls. Turn on your TV. No slave, no chain that you can say it. Deep down, it falls. Turn on your TV. On s'appelle Mountain Main. À bientôt. Mr. Matt, à la guitare et au chant, s'il vous plaît.